Demeurer dans la sainteté du Seigneur, c'est tel est le sujet même et la raison d'être du Maroc dans la sainteté. Bonsoir et bienvenue ce soir dans Maroc dans la sainteté. Frère Meshi, est en train de manger directement, il a déposé le plat. Installez-vous confortablement, nous commençons dans quelques instants. n'est pas la sœur Isien qui nous dira le contraire, qu'elle veuille demeurer dans la sainteté, comme le dit cette chanson de nos groupes de frères, nous voulons grandir. La sœur Isien, bonsoir. Son téléphone a des problèmes. La sœur Clinton, puisque tu en parles, c'est toi également, tu veux demeurer dans la sainteté, pas vrai? Oui, frère, amen, amen. Mm-hmm. Donc la musique là parle de toi comme ça, que tu veux demeurer dans la sainteté, n'est-ce pas? Que tu veux également grandir. Mm-hmm. Alors, écoute encore cet extrait. Amen, amen. Voilà, voilà, voilà, voilà. Le frère Pierre Nassour, bonsoir et bienvenue. Shalom, shalom, frère Junior. Merci. Mm-hmm. Tu nous as abandonnés. Depuis, on te voit, on ne te sent même plus dans ma route de la sainteté. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, mieux, j'attaque directement. Déjà, en tout cas. Bien fait. Non, c'est ce que j'avais prévu de dire d'abord. C'est pour ça que j'ai pu rapidement, non? Sinon, tu devais. Bon, merci beaucoup. Je suis ravi d'être de vôtre ce soir. La sœur Charlotte, bonsoir. Je crois que nous allons passer de bons moments maintenant et que la connexion nous permettra de le faire. La sœur Charlotte, bonsoir. Oui, la sœur Charlotte. Je vois seulement sa photo qu'elle est en train de se promener dans les rues des Rabat. Regardez là-bas, elle a des marchés. La sœur Cathy, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Comment tu vas? La grâce de Dieu, bien. Toujours en forme, n'est-ce pas? Ouais. Le frère Prince, bonsoir et bienvenue. Le frère Melchi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, frère Junior. Shalom à toutes mes soeurs et mes frères. Oui, je veux que tu me dises quelque chose. À l'instant, je prononce ton nom et puis c'est un lion qui me vient à l'esprit. Que veut dire Melchi? Qu'est-ce que toi tu as à voir avec le lion? Melchi veut dire mon roi est sacrifié quelqu'un. Comment, mon frère? Mon roi est sacrificateur, je pense. Ok. Mais c'est en quelle langue ça? Parce que ça vient du mot Melchi Sédé. Ok. Parce que dès que je voulais te saluer, subitement je vois une image avec toi et le lion. Ou bien tu es le lion alors quoi? Il voulait bien savoir. Il t'en voulait savoir ce que tu as à voir avec le lion. Je crois que c'était le nom Melchi là, voulait dire le lion. Donc ça veut dire que tu es le fils du lion. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bonsoir et bienvenue alors. Toi-même, tu nous as manqué beaucoup. Le cours de physique, de thermodynamique classique aussi te dérange. Et là, tu nous abandonnes pour longtemps. Comment, frère, si tu savais comment tu nous as manqué. On ne peut même pas décrire ça, mon frère. Je serai toujours présent avec vous, d'accord, mon frère? La sœur Charlotte a quitté les rues maintenant. Elle est maintenant en pull, là. Elle est en pull. Bonsoir, la sœur Charlotte. Comment on fait pour rencontrer ceux du Maroc? Je crois que ce serait bien qu'on mette encore le pied au Maroc. Mais qui sera chaud dans l'eau pour nous accueillir? La sœur Gigi, bonsoir. Bonsoir, mon frère Junior. Comment tu vas? Je viens de faire grâce. Dieu veut ma soeur grâce, là, ma femme grâce ici. Et Seigneur, Dieu ne veut pas. Bon, si tu dis que Dieu la veut, hein. Permets-moi de noter des choses et puis je vous reviens. Le frère Prince. Oui, comment tu vas depuis? Mais apparemment ta connexion n'est pas bonne, ton son n'est pas bon non plus. C'est pas bon du tout. Voilà déjà les motos qui passent même dans ta chambre. Alors, la sœur Isène, bonsoir. J'espère que sa connexion est bonne maintenant. Bonsoir frère Julien, bonsoir frère. Voilà, ton son il paraît un peu plus bon que celui des frères et sœurs. Alors maintenant, comme je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais ceux du Maroc ici là, je crois que si le Seigneur permet, on sera chez vous, il faut qu'on revienne chez vous cette année-ci, si le Seigneur le permet. Bon, on en parlera de tout cela si vous en voulez bien. Amen, avec plaisir. Avec plaisir, tu vas laisser l'école où? Ingénieur. Oui, frère Meshi. Permets-moi, frère, de revenir sur un point. Oui. En passant, Meshi veut dire roi. Oui. C'est un mot en arabe, malikoutien, voilà. Oui. Attends, le frère Prince, d'infirmer ton micro parce que ça amène un son désagréable lorsque le frère Meshi parle. Merci. Il va dire le frère Meshi. Quoique le temps qu'il pourrive de fermer son micro là. Oui, oui. Donc, je parlais au propos de la signification de Meshi. Meshi veut dire roi. Parce que Siba, en principe, veut dire sacrificateur. Oui. Donc, j'ai combien de disons, mon roi est sacrificateur. Oui. Mais Meshi, on est un peu du roi. Ok. En relation avec le lion. Le lion. Ok. En tout cas, le roi, justement, c'est le lion, c'est le symbole même de la royauté, n'est-ce pas? Oui. Mais donc. C'est vraiment dit, en quelque sorte, tu es né pour, avec cette figure de lion pour pouvoir conduire, diriger. Tu le sais, ça? Non, mon frère. Le frère Prince, que le frère Prince ferme son micro. Donc, on commence ce soir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il commence à voir ici connexion de qualité, mot diocre, passé à mode audio uniquement. Si vous le trouvez bon, s'il n'y a pas. Mais frère Melchi, ça veut dire que cette histoire de royauté, si. Pas royauté, des sens négatifs, hein, donc ne crains pas que ce soit quand tu viens rentrer dans ton bureau, t'introniser dans le witchcraft. Dans le. Donc, c'est la bonne royauté, ça. C'est la bonne. C'est question de regarder, c'est pas un lion, un mauvais lion. D'accord. Donc, c'est le style des lions qui gouverne. Et ne sais pas ce qui t'attend dans ton futur. Mais je crois que tu vas commander. Donc tu peux écrire dans ça. Tu vas diriger un peu plus nombreux. Je crois que c'est bon là maintenant. Oui, mon frère, je suis en train de monter. Merci beaucoup. En tout cas, la voix est enregistrée et c'est posté sur Bambaïba. Pour tous ceux qui veulent se joindre chaque fois dans tous les groupes, les adresses sont fournies à la fin de chaque enseignement sur Bambaïba. Bambaïba, c'est B-A-M-B-A espace I-B-A sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez également télécharger gratuitement et distribuer gratuitement si vous le sentez bien sur Google Plus, cette fois-ci en MP3, gratuitement. Alors, je ne sais pas si les guerriers et les guerriers ce soir sont fatigués. Si vous voulez bien, on prend un thème. Parce que comme il parlait de Meshi et puis... Meshi, et puis cette chose-là est venue, ça me pousse à prendre une direction. Et si vous le voulez bien, on prendra cette direction-là et on priera. Si vous n'avez pas des sujets que vous avez préparés, si vous le trouvez bon et que si telle est la volonté de Dieu, nous allons dans cette direction-ci. On prend un sujet concernant cette histoire des rois, concernant ton nom qui est lié à toi, et puis on prie. Les autres sont d'accord. Oui, frère. Amen. Voilà. Commençons donc dans une écriture. Puis on va commencer par noter. Si vous m'entendez bien, pour la personne qui a de me noter, de me suivre, quand je vais donner un passage, si, le temps pour que les autres n'aient pas à me faire répéter cela, si vous entendez le passage, notez dans le forum, comme ça les autres puissent recevoir, puissent noter le verset. Donc je vais donner une série de versets. Et puis on va des passages ou des écritures, et puis on va choisir par laquelle commencer, d'accord, frère? Notez le livre de 1 Chroniques chapitre. On y va. 1 Chroniques chapitre 4. Notez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois que la connexion n'est pas vraiment stable du côté du Maroc là. Je profite de l'occasion pour dire bonsoir à tous les. Il y a une réforme même qui va venir au sein du Maroc là. J'espère que les étrangers seront la bienvenue. En tout cas, préparez-vous. Si ça s'écoute dans n'importe quelle direction et que ça vous amène dans n'importe quelle direction, n'ayez pas peur, d'accord, mes frères. J'ai comme impression qu'il y a une prochaine personnalité qui va venir au Maroc et qui va durcir le ton avec les immigrés, ceux qui viennent de l'étranger, particulièrement ceux du pot noir. C'est pas bon ça. Je ne parle pas de celui-ci. Je parle de celui qui est en train d'arriver. Voilà. Wow. Voilà. 1 Chronique, j'ai parlé comme ça le temps pour vous de noter. 1 Chronique chapitre 4. Ésaïe chapitre 2, chapitre 12 du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 2 et le chapitre 12. Le livre du prophète Zacharie au chapitre 10. Luc chapitre 24. Remarquez bien que donc seulement les passages nous allons revenir. Luc chapitre 24. On va encore prendre quoi? Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1 et le chapitre 3. Voilà, 1 Chronique 4, Ésaïe 2. Notez le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 12. Ouais. Si la connexion est bonne, si la prochaine séance, je ne sais pas quand vous travaillez, mais de toute façon, je vais vous voir. Si vous êtes connecté, il viendra un de ces jours au courant de la semaine. Et on va continuer dans une autre direction avec ce livre de Deutéronome-là, dans une autre direction, Dieu voulant. Ça, c'est pour le Maroc spécifiquement. On peut travailler là maintenant, frère. On peut travailler et prier. Voilà. Le chapitre 4 des Chroniques, là, n'oubliez pas de noter Deutéronome, chapitre 28, le verset 12. Nous allons. Permettez-moi de prendre ma Bible également là. Comme ça, je vais vous suivre. Pour être sûr que ce sont les mêmes choses. Donc, le frère. Merci, Père. Le frère, merci. Tu vas gouverner sur des peuples, sur beaucoup de peuples. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que ça nous dit, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais permets-moi de dire seulement comme ça. Un Chronique chapitre 4. Il y a un retour avec le son, un son qui sifflote. Là, je ne sais pas pourquoi ça sifflote. Le frère Prince, si tu m'entends, désactive ton micro, voir, parce que ce son-là, il y a un son derrière. Essaie de désactiver ton micro. C'est pas désactivé. La sœur Isène, il y a pas la sœur Isène, tu n'as pas de bruit chez toi, n'est-ce pas? Et ton son est justement clair. Lisons le verset 9 du chapitre 4 des 1 Chroniques. Le verset 9, permettez-moi aussi de trouver. 1 Chroniques, chapitre 4, verset 9. La sœur Cathy, ton micro n'est pas fermé. La sœur Isaïe y est. Oui, frère. Allons-y, lisons alors. Chapitre 4 des 1 Chroniques, je n'ai pas encore trouvé. Le verset 9 et 10. Allons-y. Je lis au nom de Jésus. Jéabeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jéabeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Amen. Verset 10. Jéabeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Allons-y, continuons le prochain passage. Le prochain passage, c'est quoi? Gardez-vous à l'esprit de ce qui a été dit avec notre bien-aimé frère Melchi, d'accord? Amen. Amen. Et Ésaïe chapitre 2, c'est ça, non? Ésaïe le chapitre 2. Oui. Verset 1 à 5. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Je continue. Jusqu'au verset 5, ma soeur. 5. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oignaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Le chapitre 12, verset 3. Chapitre 12 du prophète Ésaïe, verset 3, 4 et 5. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Amen. Zacharie. Il veut que nous lisions avant de continuer totalement pour mettre le paquet. Zacharie, chapitre 10. Verset 1 à 3.

que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité tes pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Jusqu'à 10 maintenant. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plants, sans avoir donné de la semence au semeur et du plant à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Amen. Deutéronome chapitre, Amen. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Voilà. Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, toute votre attention. Si vous prenez la suite des versets, comme vous avez noté dans le forum, je les ai devant moi là maintenant. Maintenant, on peut commencer à travailler. Si vous prenez Actes chapitre 1, le verset 5 à 8, vous allez remarquer que les disciples vont se réunir après la mission du Seigneur Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection. Ils étaient surpris du fait que Christ soit en train de quitter la terre sans être un roi sur la terre. Pourtant, les prophéties bibliques dont les scribes et les pharisiens enseignaient leur disaient clairement qu'il est question d'un Messie qui viendrait être roi pour chasser les païens dans leur territoire. C'est ça qu'ils attendaient. Mais ils pensaient que ce royaume-là est le type du royaume de la terre qui côtoierait des autres royaumes tout autour, comme par exemple le royaume d'Arabie Saoudite et tout autour de celui du Qatar. Mais que non, c'est parce que la Bible déclare. S'ils avaient eu à voir Deutéronome chapitre 2, ils verraient effectivement que le prophète Daniel avait dit que la pierre va se détacher de la montagne sans le secours d'un homme et frappera les autres, la statuette, et puis ça détruira, et cette pierre-là deviendra une grande montagne, et la montagne illuminera toute la terre de façon éternelle. Et il a interprété comme un royaume qui va venir et détruire tout le royaume des hommes. Donc, le prophète qui devait prophétiser la venue du Messie a dit clairement ce qu'il en était. Mais les hommes en ont fait une autre interprétation, au point où cette interprétation, justement, avait amené les gens totalement à côté de la plaque. Pas étonnant que dans ce livre de Zacharie, chapitre 10, il dit effectivement là-bas qu'il y a des prophètes qui prophétisent des mensonges, des songes, ainsi de suite, et il dit que Dieu va juger parce qu'il n'y a pas de pasteur. Il demande donc dans cette condition qu'on demande la pluie du printemps, la pluie de la dernière saison. Remarquez bien que les juifs, la question des disciples du Seigneur, au Seigneur Jésus-Christ, à ces veilles des jours où ils devaient monter au ciel, pose problème parce qu'en réalité, ils se demandaient, ok, c'est le Messie, nous croyons quand même en lui. Mais en réalité, comment ne se fait-il pas qu'il soit roi? Parce que le Messie est le roi d'Israël. Puisque le livre de Malachi, enfin, le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9, nous dit que « Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient à toi, il est assis sur un anon. » Effectivement, il est entré assis sur un anon, mais il n'est pas allé pour régner. Donc, c'est celui qui viendrait pour payer le salaire du péché, c'est lui qui sera roi. Il n'a pas dit que ça, sa première venue sera roi. On a seulement donné les informations le concernant. Parce qu'ici, dans ce livre d'Isaïe, au chapitre 12 que nous avons lu, chapitre 55 que nous avons vu, il a dit que je rendrai quoi, mes faveurs à David. C'est grâce, comme le prophète, le frère Paul le dit dans Actes chapitre 13, que cette grâce qui sont assurées, parlant de la résurrection, justement, qui va donner à la postérité de David qui va régner sur la terre. Alors, lorsque toutes ces choses sont dites dans les Écritures, si ce n'est pas aligné de la bonne façon, ça va toujours amener les gens à côté de la plaque. Qu'est-ce que je veux dire? Les disciples du Seigneur Jésus-Christ se réunissent, donc posent la question dans ce Actes chapitre 1, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume d'Israël? C'est terrible comme question. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il dit comme ça à la sortie de Jésus, après avoir fini avec eux ce jour-là, va monter au ciel. Il s'attendait. Finalement, le royaume dont on parle, c'est quand. Enfin, Jean-Baptiste lui-même prophétisait. Il a dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. C'est normal donc qu'il pense au royaume. Jésus lui-même, quand il a commencé son ministère dans le livre de Marc chapitre 1, parlait toujours de ce royaume. Répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Là, voici qui est venu, il est mort, et le roi du royaume était plein, en plein à leur milieu. Il leur avait dit que le royaume de Dieu ne vient pas comme frapper pour le regard, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que le roi du royaume était au milieu d'eux. Mais les tenants, les aboutissants, les constructions et comment ce royaume devait être, il ne leur a pas révélé cela. Ils voyaient tout simplement les bribes et les traces de la venue de ce royaume-là. Et les auteurs authentiques de ce royaume étaient là pour parler du royaume qui est sur le point de faire place. Mais le royaume de Dieu est proche. Proche pour eux, c'était de façon imminente au point où ils savaient effectivement que les pirates et les héros qui sont dans l'avion vont en découdre avec eux. D'où le parti des zélotes qui achetaient le couteau quand le Seigneur Jésus a dit acheter l'épée. Ils croyaient que c'était le moment d'aller en découdre avec ces garçons. Alors que ce n'est pas de ça dont il est question. Mais Jésus va le dire, mais pour vous, ce n'est pas à vous de connaître les temps. C'est le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Votre passe de recevoir une puissance. Il est question de témoigner de ce roi qui est venu, ce roi Messie qui est venu, qui est mort et ressuscité pour la justification de quiconque croit. Voilà le témoignage qui doit être établi avant que ce royaume ne vienne. Parce que si ça venait, ce serait uniquement les gens qui avaient écouté à Jérusalem qui seraient sauvés. Pourtant, il y a des brebis qui sont dispersées de par le monde. Il leur avait dit physiquement qu'elle était là, qu'il y ait encore d'autres brebis qui ne sont pas de sept bergers. Celles-là, il faut que je les amène. Je me demande bien s'ils comprenaient bien ce qu'il a dit, celles-là. Lesquelles brebis dont il est question. Et donc, en fait, au chapitre 2 de ces Actes des Apôtres, ils vont comprendre clairement. Parce que dans la prédication de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre, il va dire clairement que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Là, maintenant, il a commencé à signifier dans ces brebis-là qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu notre Père les appellera. Alors, vous voyez effectivement que petit à petit, le Saint-Esprit commence à poindre à l'horizon que, en réalité, il appellera le peuple des nations qui sera invoqué même là où il n'avait pas été nommé. Et c'est par les langues des Baba même qui devait prêcher ses prédications. Petit à petit, on commence à comprendre effectivement, comme il a dit dans Isaïe 55, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais il nous rassure dans Isaïe 55 que autant comme la neige, la pluie et autres là-bas ne descendent pas et remontent sans avoir accompli ce pourquoi ça vient, c'est-à-dire donner les plantes, fertiliser la terre, ainsi de suite, ainsi en est-il de sa parole. Lorsque ça sort, ça doit accomplir sa volonté. Ce soir, quelle est sa volonté? Sa volonté, c'est que nous possédions la promesse. Puisqu'il a dit dans Luc chapitre 24, restez dans la ville, nous avons lu cela, restez dans la ville. Vous allez témoigner de moi, mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous devrez être revêtus, je vous enverrai cette puissance-là. Alors, ce soir, nous allons prier. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères? Je n'étonne que, puisque nous sommes dans le jeûne, mais dans ce moment par excellence de faire ces choses. Dans ce livre d'Isaïe, chapitre 55, le Seigneur dit que celui qui a soif vient et boit de cette eau-là gratuitement, même celui qui n'a pas d'argent. C'est quand même curieux qu'il dit que venez acheter sans argent. Comment on peut venir acheter sans argent? Il y a effectivement un prix à payer, mais ce prix-là n'est pas de l'argent. Vous voyez cela? Le prix-là n'est pas de l'argent. Regardez le chapitre 2. Il dit qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne éternelle sera au-dessus de montagne. Donc, toutes les collines élevées seront élevées et on va voir la puissance de Dieu se manifester. Souvenez-vous de la montagne, de la pierre qui était sortie, frappée et puis c'est devenu une grande montagne. Il dit que c'est dans ces royaumes-ci que les gens vont affluer. Les gens vont dire que venez monter. Dans le premier aspect de cela, ça prophétise Jérusalem restaurée avec la tribu de Juda lorsque Jésus viendra chez les Juifs. Mais ça parle de l'église qui manifeste le royaume sur la terre où les gens doivent voir la gloire de Dieu et la puissance du Saint-Esprit et désirer y aller. Vous voyez cela? Et donc maintenant, il faut que les gens commencent à désirer que non, je vais servir le Dieu des chrétiens. Mais, ce que nous rencontrons que ce soit sur YouTube, dans les chaînes de télévision, les chrétiens sont devenus ils sont à toutes les sources maintenant. On se moque de nous partout. Les musulmans les tendent en ridicule. Il y a une chose qui se trouve dans la foi chrétienne qu'aucune religion ne possède, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est seulement cela qui manque. Lorsqu'il est là, le Saint-Esprit, ça crée la différence. Les tensions, les chamaillements et tous les autres cessent. C'est la démonstration de la puissance par qui vient être toute puissance, puisqu'il est le Tout-Puissant. C'est dans cela que l'Église doit se revêtir maintenant pour aller avec les défis qui attendent l'Église maintenant. Et c'est pour cela que ce soir, nous y sommes. Afin que, comme il l'a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 12, que nous allons lire là-bas, qu'il va ouvrir son bon trésor du ciel. Et il l'a dit dans les Saintes Écritures, dans Matthieu, chapitre 10, que l'homme bon tire des bons trésors, des bons trésors de son cœur. Ça veut dire que le cœur et le royaume sont intimement liés. Il faut qu'ils se manifestent. Et donc, il faut que le cœur soit dans l'attente pour l'avoir. Que celui qui a soif vienne et boive. Cette femme, des Jean, chapitre 4, avait effectivement soif. Et Jésus savait effectivement quelle était sa soif. Voilà pourquoi il venait puiser de l'eau. Il dit, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, tu lui aurais lui, toi-même lui demandé de l'eau, et il te donnera une eau. Ah, tu parles de cette eau. Seigneur, donne-nous de cette eau ce soir. Donne-nous de cette eau, Père. Et te donner cette eau-là qui gérera jusqu'à l'éternité. Mes frères, ma soeur, vous tous qui écoutez cette voix, écoutez très attentivement. Toute vie des chrétiens sans la gloire du Saint-Esprit dans nos vies, sans le Saint-Esprit affluent dans nos cœurs et dans notre pensée, imbibant notre être, nous ne sommes pas différents des autres religions. Si nous manifestons, nous appelons Christ, nous appelons chrétiens, et que le Saint-Esprit ne se trouve pas imbibé dans nos vies, il n'y a pas son empreinte en nous, au travers de nous, dans tout ce que nous faisons. S'il ne nous entoure pas en dehors et en deçà, comme il l'a promis lui-même, je serai en vous et je serai même avec vous. Ça, c'est le rôle de celui qui doit tabernacler, celui-là qui doit venir pour remplacer Jésus. Il a dit, il ne nous sera pas orphelin, il viendra à nous. Le consolateur, le paraclet, il doit venir. Alors, toute vie chrétienne sans le paraclet, c'est une vie d'orphelinat. Vous n'avez pas de père. Vous n'avez pas de père, par conséquent, vous n'avez pas de repères. Et donc, vous pouvez vous perdre n'importe comment. Alors, ce soir, je vais donc considérer cette promesse des Saintes Écritures. Chapitre 10 de Deutéronome de Zacharie, il a dit, demandez la pluie du printemps. Il vous donnera la pluie de l'arrière saison. C'est ce qu'il a promis. Maintenant, en toile de fond se trouve quelqu'un. Il y a deux aspects avant d'entrer dans la prière proprement dite. Un monsieur qu'on appelle Jabez, sa maman l'a accouché dans les douleurs. Et le mot Jabez voulait dire douleur, souffrance. Les circonstances qui entourent dans sa naissance, dans son condition désormais son existence sur la terre, au point où on lui a légué le mot souffrance dans sa vie. Il a compris que sa vie-là ne pourra pas marcher dans le cadre de souffrance. Parce que Jabez, ça c'est en leur langue là-bas. Maintenant, si on t'appelle souffrance, on t'appelle Monsieur Souffrance, veuillez. Imaginez comment on appelle quelqu'un Jean-Claude Pourri. Il dit oui, monsieur, tu t'appelles que. Il m'appelle Monsieur Pourri. Quelque chose ne va pas chez les gens. On te dit que Jean-François Loiseau. On appelle l'autre Paul Vieille Dent. On appelle l'autre maintenant Jean-Pierre Souris. Et il accepte lui qui s'appelle le souris, monsieur souris. C'est quand même curieux le monde-ci. Mais Jabez a refusé l'onction que porte son nom et les circonstances. Parce que souvenez-vous, quand vous naissez, tout autour de votre sphère zoologique, comment on appelle ça, pas zoologique, dans la sphère des étoiles, de la configuration des étoiles là-bas, les événements des toits sont enregistrés. C'est pour ça que les gens de l'horoscope peuvent prendre ta date de naissance, ton nom et celui-là. Avec ça, on peut faire la cartographie de ton acte de naissance. Et là, tous les événements qui y sont, on peut regarder. Comme les mages ont vu effectivement l'étoile du roi, ils ont dit, waouh, celui-ci c'est un roi, ça c'est l'étoile du roi. Comment ils peuvent voir une étoile et dire que ça c'est l'étoile d'un roi? Alors souvenez-vous de cela, ça entoure votre naissance. Et quand ça entoure votre naissance, vous faites le mieux de prier. Jacob en a expérimenté. Mais quel est ton nom? Il dit, mon nom ne cause pas problème, c'est ton nom qui est problème. Désormais, tu ne seras plus Jacob. Supplanteur, voleur. Celui qui veut faire n'importe comment, il a frappé. Vous voyez? Tu es Simon, fils de Jonas. Tu ne t'appelleras plus Simon, ton nom sera Pierre. Simon, c'est quoi? Le sable mouvant. Quelque chose qui est faible. Il faut qu'on lui donne le rocher. Quelque chose qui est plus stable. Vous voyez ça, mon frère? Alors, cette personnalité qu'on appelle Jabez dans la Bible va nous donner d'abord une bonne partie, une bonne face de prière. Alors, toute circonstance qui est dans nos vies, qui soit contraire à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, ça doit être brisé. Voilà la première vague de prière. Voilà, voici le premier point de prière avant qu'on avance. Vous voyez cela? Dans lui, il avait son nom qui entourait ces circonstances de la vie. Il savait effectivement que son environnement devait être mauvais. La Bible déclare dans ce livre de 1 Chroniques chapitre 4 que nous avons lu au verset 9 et 10 qu'il pria Dieu que son nom n'ait pas d'influence sur lui. N'est-ce pas mes frères? Que cette souffrance-là, que sa maman avait souffert, c'est quand même curieux. Donc la maman accouche, l'enfant crée les souffrances ou bien la douleur, il y a tellement de douleur, l'enfant, elle souffre, elle met le nom de l'enfant souffrance. Douleur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, le premier point de prière, c'est quoi? Faire mon frère marcher. Toute circonstance qui entoure, toute circonstance qui entoure notre vie spirituelle, notre vie physique, notre vie de naissance, depuis la naissance, quel qu'en soit ce qui se tourne autour de nous, si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ce n'est pas selon le plan de Dieu, celui-ci, il n'est pas passé par quatre chemins. Il a invoqué Dieu que ça n'a pas de fait sur lui. La Bible déclare et Dieu l'exauça, pas vrai, frère? Donc, on pouvait l'appeler souffrance, mais dans sa vie, on voit, ça devrait être un paradoxe maintenant pour quelqu'un qui va le rencontrer, que monsieur souffrance. Mais on voit la personne vit bien. Vous voyez? Mais regardez très attentivement, vous venez ici au Cameroun, il y a, vous entendez le quartier, on appelle Bonataka. Vous dites Bonataka, ça veut dire quoi? On dit le quartier des souffreteux. Et tout le monde accepte, on dit, vous allez où, chez Bonataka. Je m'en vais à Bonataka, on prend le taxi, laisse-moi à Bonataka. Ça veut dire que ceux qui souffrent. Et vous allez, vous voyez effectivement l'expression de la souffrance. Ça ne dit rien à personne. Je crois qu'il faut que les Africains vraiment se réveillent et commencent à changer de ville, les noms même de leur ville. Vous entendez dans un endroit, on a dit Carrefour, ou tu vas à quelqu'un, on dit Carrefour, trois bordels. Donc, trois bordels, le Carrefour, il y a trois bordels. Un autre encore, il s'est donné, on dit Carrefour, j'ai raté ma vie. Et vous passez là-bas 22 heures, vous voyez vraiment le groupe de personnes qui ont raté leur vie. C'est là où ils se trouvent. Carrefour, trois morts. Carrefour, sorcier. Et les gens ne font que faire des accidents pour mourir. Et on ne pose pas de questions. Le Carrefour, sorcier. Alors, on a des problèmes. Ces choses-là, ça amène, ça ouvre les portes de la négativité ou mieux encore des démons dans nos vies et on ne parvient pas à savoir. Beaucoup de personnes donc, se trouvent dans la position de Jabez, dont l'influence de la naissance agit encore dans leur vie. Que ce soit le patrimoine naturel de leur famille, agit dans leur vie. Donc on va commencer par là pour balayer. Parce qu'en réalité, si ces choses sont dans la désobéissance, la Bible déclare dans le Deutéronome que le ciel au-dessus de toi sera fermé comme un burin de fer, comme un airain. Donc ça veut dire que tout accès à la prière, n'importe quoi, ça sera difficile tout simplement. Et Dieu seul sait comment, si le ciel est fermé au-dessus de toi, toute prière que tu vas faire, ça ne marchera pas. Alors comme Jabez, il faut qu'on prie pour que toute circonstance qui se trouve en nous, tout autour de nous, qui n'est pas dans le sens des circonstances que Dieu a prévues, selon son plan, que ce soit nettoyé. D'accord, mes frères. On peut ouvrir le micro maintenant. On commence à prier. On prie, on revient dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, on balance. Non. Que confesse à ton Seigneur, Seigneur, soit ôté toute circonstance. Je te rends pour l'honneur et la gloire sur la vie, soit ôté toute circonstance qui est autour de naissance. Je suis né, soit ôté, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Toute circonstance, tout est pour vous, Seigneur, qui roule autour de ma vie, depuis le jour. C'est un souvenir à tout moment pour moi. Je suis parmi les amis, ces personnes que je Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que le Seigneur n'a pas permis, tout ce qui ne permet pas et que l'ennemi a trempé dans nos vies, puisse le Seigneur lui-même renverser cela. Renverser tout ce qui est contraire. Tout ce qui est contraire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est contraire. Tout ce qui est contraire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit renversé. Écoutez cette voix. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu qui entoure les circonstances. Que ce soit dans le corps, à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit renversé. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit renversé. Que ce soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est dans vos vies, planté par l'ennemi, contraire à la voix de Dieu, qui vous empêche de marcher comme Dieu veut, je commande ce soir que ça quitte. Vous entendez ce soir, quel que soit le lieu où vous trouvez, quel que soit le lieu où vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous trouvez, je commande ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit contraire. Contraire. Contraire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça cesse maintenant. Toute puissance qui est contraire, tout esprit qui agissait contraire à la volonté de Dieu, dans chaque domaine, les enfants du Seigneur vont le servir. Vous n'avez pas la puissance, vous n'avez pas l'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance des ténèbres, tout ce qui était contraire, tout esprit qui entoure nos vies pour contrôler dans la direction satanique, dans la direction qui ne suit pas la voie que Dieu a tracée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son autorité soit brisée sur nos vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu libères les enfants du Seigneur. Tu quittes leurs circonstances. Tu ne dois plus manipuler. Tu ne dois plus. Tu ne dois plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le pôle, quel que soit la puce par laquelle tu le contrôles, que ce soit par les maladies, que ce soit par le poison, par des couches de nuit, par la pauvreté, par des mauvaises pensées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu les lâches aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute circonstance, tout esprit envoyé pour manipuler nos circonstances, manipuler nos pensées, manipuler et diriger nos corps, nos cœurs dans la direction qu'ils veulent et non la direction du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir ils cessent les exactions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous entendez cette voix. Vous entendez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre autorité est brisée. Brisée. Brisée. Brisée. Je commande que votre autorité soit brisée, quel que soit le domaine. Au nom de Jésus, tu libères les enfants du Seigneur. je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que votre autorité soit brisée ce soir. Tu quittes les enfants du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères les enfants du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois plus les manipuler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande de quitter. Quitte la vie des enfants du Seigneur. Quitte les enfants du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Poison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu la libères. Libère tout. Je commande. Tu entends bien cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute circonstance contraire à la volonté de Dieu dans ta vie, je commande que ça cesse aujourd'hui. Vous entendez cette voix, il m'adresse à vous. Vous entendez cette voix, je vous commande de lâcher la vie de ses enfants. Il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et non pas par les circonstances démoniaques. Pas par l'esprit démoniaque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande de les lâcher. Que ce soit dans le ventre, que ce soit dans le ventre, dans le cerveau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sort tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Tu la lâches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors tout ce que tu as mis dans ses entrailles, je te commande de quitter. Vous libérez les enfants du Seigneur, ils doivent le servir dans la sainteté. Tout esprit impur qui contrôle les circonstances, depuis votre nom, depuis votre naissance, qui dirige les vies, qui vous conduit dans l'impurité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça cesse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Vous n'allez plus les manipuler. Les enfants du Seigneur doivent le servir dans la sainteté. Il est écrit qu'ils serviront le Seigneur dans la sainteté après leur délivrance. Je vous commande de libérer les enfants du Père. Quelles que soient les chaînes par lesquelles vous les tenez, je commande que ce soit renversé aujourd'hui. Je commande que ce soit renversé. Je commande que ce soit renversé. Je commande que ce soit renversé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant. Allez, c'est parti. C'est parti. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Toi, esprit impur, tu ne manipuleras plus sa vie. Sors. Sors. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Sors. Tu ne dois plus guider sa vie. Elle appartient au Seigneur. Sors. Qui es-tu? Qui es-tu? Elle ne doit pas te servir. Elle ne doit pas te servir. Elle ne doit pas te servir. Qui es-tu? Tu avais décidé qu'elle ne sera rien, qu'elle va tourner en rond. Mais elle t'a défié. Maintenant, tu as perdu la bataille. Qui es-tu? Elle t'a échappé aujourd'hui. Tu avais décidé depuis sa naissance qu'elle ne doit pas être quelque chose. Que tu vas la contrôler jusqu'à sa mort. Mais aujourd'hui, c'est le son jour. Toi qui contrôlais ces circonstances, toi, tu es un esprit de ténèbres. Tu es un esprit de ténèbres. Tu ne toucheras plus à son étoile. Je te commande de sortir d'elle. Tu es démasqué. Tu es démasqué. Esprit familier. Tu ne dois plus l'utiliser. Tu ne dois plus l'utiliser. Elle ne t'appartient pas. Maintenant, tu la lâches. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Allez, vas-y. Sors maintenant. Sorcière. Je te commande de la lâcher. Sorcière, lâche-la. Lâche-la. Tu ne dois plus manipuler sa vie. Tu as troué ses mains. Tu as troué ses mains. Tu suces toute son énergie. À compter d'aujourd'hui, ça cesse aujourd'hui. Sors. Sors. Sors. Sors d'elle. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth, de sortir d'elle maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche. Lâche-la. Tu sors. Sors maintenant. Et tu ne retournes plus jamais. Son corps sera nettoyé maintenant. Tu perds la bataille. Tu perds la bataille. Tout ce que tu avais mis comme puissance dans ses yeux, dans ses lèvres, dans son nez, dans son vagin et dans son bas-ventre, sur son cerveau, je commande que ça sorte maintenant. Sors! Sors! Sors! Ta puissance est brisée. Ta puissance est brisée. Je brise maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez! Lâche-la. Lâche-la. Toi, petite sorcière. Tu croyais l'avoir enchaînée. Aujourd'hui, c'est son jour. Tu la lâches maintenant. t'ordonne de sortir. Au nom du Seigneur Jésus, sors maintenant. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Comme Jabez, elle a prié, elle a été exaucée. Tu ne contrôleras plus sa vie. Tu ne contrôleras plus sa vie. Sa vie ne t'appartient pas. Ses finances ne t'appartiennent pas. Sa vie spirituelle ne t'appartient pas. Sa vie sentimentale ne t'appartient pas. Tu l'as manipulée dès sa jeunesse. À compter d'aujourd'hui, ça s'arrête. Allez, quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, c'est parti. C'est parti. On y va. Sors. Sors. Sors. C'est parti. Tu ne peux plus rester. Tu ne dois plus rester. Je te commande maintenant de partir. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. La sœur Charlotte, ta main droite sur ton ventre également. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, sorcier, lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Lâche-la, lâche-la. Lâche cette fille. À compter d'aujourd'hui, elle brille par la lumière du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Terminé. Terminé. Terminé. Terminé. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors, sors, sors, sors. Sors. Sors. Sors. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Ta puissance est anéantie. Allez, tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Sors. Allez, allez, pars maintenant. C'est ta fin, c'est ta fin. C'est ta fin. Je te commande de sortir au nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus. Esprit de sorcière, tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Allez, c'est parti. Sors. Allez. Allez, ouais, c'est parti. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tout ton corps. Tout ton corps. Tout ton corps. Tout ton corps. Tout ton corps. Tout ton corps. Tout ton corps. Tout ton corps. Tout ton corps. Tout ton corps. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Allez, c'est parti. C'est terminé. Au nom de Jésus Nazareth. Terminé. Terminé. Terminé. Terminé. Terminé. Terminé. Terminé. Plus jamais vous ne manipulerez plus ces circonstances. Manipulerez plus sa vie. Manipulerez plus ses pensées. Manipulerez plus son avenir. Son avenir est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme jamais, son circonstance ne sera plus jamais manipulé par vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance. Écoutez cette voix, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Écoutez cette voix. Toute puissance qui contrôlait vos vies d'une façon ou d'une autre, de façon sournoise, que vous le sachiez ou pas, par des songes, par des rêves, toutes ces circonstances négatives qui vous arrivent sans être dans le plan parfait du Seigneur, j'ordonne au nom de Jésus de Nazareth que ça cesse maintenant, quel que soit l'esprit qui contrôlait cela. Toute leur autorité, je commande que ça cesse maintenant. Quelle que soit l'alliance qui a amené ces choses, au nom de Jésus de Nazareth, que ça cesse maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère le ventre de ma soeur maintenant. Libère son ventre. Libère le ventre de ma soeur. Toi aussi, tu m'entends. Tu m'entends. Libère son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu parles. C'est ta fin. C'est ta fin. Terminé. Terminé. Terminé. Parle maintenant. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte le ventre de ma soeur. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Allez, c'est parti. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte. Au nom du Seigneur Jésus. Quitte. Quitte son ventre. Tout poison. Tout poison. Toute ta puissance. Je commande que ça sorte. Il dit, je commande que ça sorte. Tu ne dois pas y rester. Au nom de Jésus, les enfants du Seigneur doivent le servir dans la sainteté. Je te commande de quitter. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans ton ventre, je commande. Toi qui accordes du soutien, qui la soutient avec les mauvaises pensées, la pousse dans les mauvaises choses, je commande que tu la quittes maintenant. Sors! Sors! Sors! Sors! Vous m'entendez, quel que soit l'endroit où vous trouvez, cette voix, vous entendez. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est Jésus également, c'est sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, vous entendez bien cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Le frère prince, cette présence est déplacée dans ta chambre, ça se trouve chez toi. Cette présence, ça se trouve chez toi, dans ta chambre maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. La sœur Jésus a mis son micro fermé, je crois bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. au nom de Jésus, quelles qu'en soient les circonstances, les esprits qui contrôlaient ta circonstance depuis ta naissance, tout autour de toi, qui manipulaient, je commande au nom de Jésus Nazareth que ça vous lâche maintenant. Sors du ventre de cette femme. Sors. Sors. Sors. Sors, sors, sors. Au nom de Jésus Nazareth. Les couches de nuit, les nourritures nocturnes, au nom de Jésus Christ de Nazareth, toi tu as perdu la bataille, tu ne manipuleras plus cette vie. Toi aussi de l'autre côté, sors maintenant. Lâche cette soeur maintenant, lâche son ventre. Lâche son ventre. Lâche son ventre, elle en a marre de vous. Je te commande de les lâcher. Je te commande de les lâcher. Le ventre n'est pas votre, votre lieu de résidence. Sors! Sors! Cette présence se trouve chez toi, la chaise, alors ça se trouve chez toi exactement, au-dessus de ta tête maintenant. Sors! Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Au nom de Jésus, que ça te parcourt maintenant. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Tout esprit impur. Tout esprit impur qui manipulait votre vie, votre santé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je commande. Je commande. Je commande. Je commande. Je commande. Vous sortez maintenant. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester. Que la lumière soit maintenant dans ses pensées, dans son cœur, dans son corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, depuis la plante de ses pieds jusqu'à la tête, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, allez, allez. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Esprit méchant. Esprit méchant. Esprit méchant. Esprit méchant. Lâche-la. Allez, c'est parti, c'est parti. Au sol, lâche-la maintenant. Allez, allez, au nom de Jésus Nazareth. Sans lui faire du mal. Allez, c'est parti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth, allez, au sol. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tu ne lui fais pas du mal. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Dans tout ton corps. Tout ton corps. Tout ton corps. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Allez au sol. Au nom de Jésus Nazareth. Maintenant, sors. Vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester. Là, c'est plus fort que vous maintenant. Vous ne pouvez pas rester. Allez. Pas de renfort. Vous sortez tous. Vous sortez tous et vous ne la touchez plus jamais. Elle appartient au Seigneur. Elle est servante du Dieu très haut. On ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Alors la Sainte Charlotte, cette même présence se trouve chez toi. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec le Maroc aujourd'hui? Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tout puissant des ténèbres. Tout puissant des ténèbres. Tout puissant des ténèbres. Tout puissant des ténèbres. Au nom de Jésus Nazareth. Vous quittez maintenant. Vous quittez maintenant. Toute puissance contraire à la volonté de Dieu. Je commande que ça quitte. Je commande que ça quitte. Je commande que ça quitte. Donc tout ce qui est sous l'influence de cette voix, je commande. Je commande. Lâche maintenant Charlotte. Toi qui habites son ventre, je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Tu quittes. Tu ne peux pas rester. Tu ne dois pas rester. Je te commande de la lâcher. Allez. Au nom de Jésus, vous entendez cette voix. Vous entendez cette... Les enfants du Seigneur doivent servir Dieu dans la sainteté. Je vous commande de quitter. Sa présence se trouve sur toi maintenant. Allez, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Oh frère. Oh le frère, ça se déplace, c'est toi. C'est chez toi maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Cette onction, c'est pas pour ta maison, ma soeur Gigi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres. Dans ton corps. Au nom de Jésus. Vous entendez cette voix. Toute puissance. Qui était contraire aux circonstances de la vie de Dieu. Au nom de Jésus Nazareth. Je commande. Que ça vous lâche. Vous allez servir Dieu dans la sainteté. Satan, tu lâches ces enfants maintenant. Lâche cette femme. Lâche Charlotte maintenant. Elle ne t'appartient pas. Allez. Toute alliance. Non. Ton alliance avec elle est brisée ce soir. Sors. Allez. Sors. Sors. Toutes circonstances ayant entouré votre naissance. Ayant entouré votre jeunesse. Maintenant, je commande au nom de Jésus Nazareth que ça change. Oh, la sœur Charlotte, ça se trouve sur toi. C'est sur toi. Je commande. Je commande. Je commande. De toute puissance impure, toute puissance des ténèbres qui règne dans ton corps. Maintenant, c'est le moment. Je vous challenge maintenant avec le nom de Jésus Nazareth. Je vous challenge maintenant avec le nom de Jésus Nazareth. Je vous challenge maintenant avec le nom de Jésus Nazareth. Je vous challenge maintenant avec le nom de Jésus Nazareth. Vous ne pouvez plus rester. Vous ne pouvez plus rester. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Allez. Sors. Au nom de Jésus. Toi, puissant des ténèbres, qui régnait dans le ventre de cette femme, qui dirigeait sa vie, dirigeait ses pensées. Tu as brisé son cœur, brisé sa vie, détourné sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, ça va cesser. Je te commande. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Je dis, je te commande. Il dit, mais tu la lâches. Lâche cette femme. Lâche cette femme. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Il dit, tu ne peux pas rester là-bas. Tu ne dois pas rester. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Vous ne pouvez pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Je vous commande. Au nom de Jésus. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Je vous commande de lâcher. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester. Je vous commande. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour commander votre liberté. Pour commander votre liberté. pour commander votre délivrance, pour commander votre délivrance. Toute puissance des ténèbres qui vous tenez en captivité tout autour de vous et en vous, par les maladies, par des chaînes, par des liens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça soit brisé. Je commande que ça soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien cette voix. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute puissance qui contrôlait ta vie, sur quelque plan que ce soit, qui dirigeait tes finances, dirigeait ton corps, je commande que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas rester. Vous ne devrez plus rester. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Satan, tu ne peux absolument rien. Tu ne peux absolument rien. Je te commande de lâcher ces enfants. Je te commande de lâcher ces enfants. Sors, sors, sors, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche cette femme maintenant. Lâche cette femme. Lâche cette femme. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux plus rester. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. You cannot. Tu ne peux plus rester. Tu ne dois plus rester. Tu ne dois plus rester. Tu ne dois plus rester. Je vous commande de quitter. Toute puissance des ténèbres qui commandait votre vie, qui commandait votre matin, commandait votre soir, commandait votre étoile, dirigez votre vie, désorientez votre plan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Dieu s'élève contre eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande de lâcher la vie de ces enfants. Voici leur soirée. Vous quittez la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit qui faisait régresser en arrière, qui déjouait le plan des enfants du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, on en découvre avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous quittez. Vous quittez. Sors! Sors! Sors! Allez, allez! Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez plus rester. Allez, sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, sors, sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ma sœur, que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Tout ce qu'on avait bloqué. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre, ma chère. Tu es libre maintenant. Tu es libre. Tu es libre. Toi, la sœur, toi qui habites la vie de Charlotte et qui la manipule. Toi qui avais enchaîné ses mains et ses pieds. Je commande maintenant à ce que cette chaîne soit brisée. Je commande maintenant à ce que cette chaîne soit brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à ce que cette chaîne soit brisée maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La Bible déclare que le Seigneur Jésus est venu libérer les captifs. Je commande que tu libères. Que tu libères tous ces enfants. Ma chère Résienne, bois de l'eau. Prends de l'eau, tu bois. Et puis tu t'assois confortablement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le frère Prince, cette présence se trouve là-bas au-dessus de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui est contraire à la volonté de Dieu, qui manipulait vos vies, ce soir, c'est sa soirée. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça vous lâche. Que ça vous lâche. Toute puissance. Toute puissance. Quel que soit le nom qu'on lui donne. Quel que soit le nom qu'on lui donne. vous m'entendez, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, je commande au nom de Jésus de Nazareth que vous quittez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres qui manipulait vos vies, qui dirigeait vos vies dans le sens contraire à ce que Dieu a programmé, qui luttait contre votre destinée. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, je commande que ça vous quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce corps appartient au Seigneur Jésus. Ce corps appartient au Seigneur Jésus, pas à vous. Donc vous quittez, vous faites place maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance, comme Jabet qui dirigeait sa vie dans la souffrance. Toute puissance qui dirigeait vos vies dans la direction opposée à celle de la volonté de Dieu. Il est écrit, et nous l'avons lu, que comme la pluie ne peut descendre et retourner sans avoir arrosé, donner le semence au semeur, ainsi en est-il de la parole, ça ne peut pas sortir, retourner sans avoir accompli. C'est pourquoi c'est sorti, la volonté du Père. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez libre pour le servir dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que toute puissance qui tenait en captivité vos vies, sur quelque plan que ce soit la maladie, que ce soit les liens, que ce soit les liens familiaux, que ce soit les alliances négatives, que ce soit les influences démoniaques concernant votre vie, votre nom, vos différentes marches dans le passé, votre famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit du Seigneur est sur moi et je commande de vous lâcher. Vous entendez cette voix, quelles que soient les personnes qui entendent cette voix, vous êtes sur cette influence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les circonstances qui entourent votre vie, depuis la naissance jusqu'à maintenant, soient nettoyées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toi qui manifeste ta puissance dans la vie de Charlotte maintenant, dans sa maison, dans cette présence, je prie Père de gloire que tu sanctifies son corps, de la plante des pieds jusqu'à la tête, au nom de Jésus de Nazareth. Frère Prince, sur toi, je commande, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que toute circonstance défavorable qui manipule les circonstances de ta vie, au nom de Jésus, quel que soit le nom, je commande que ça lâche maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres qui manipulait les vies. En quelque moment que ce soit, quelque façon que ce soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est leur fait aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'allez plus diriger la vie des enfants du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu veux nettoyer la vie de tes enfants. Tu veux nettoyer, au Dieu de gloire, leurs circonstances, leur environnement. Tu veux nettoyer leur corps, leur sang, leurs pensées. Merci pour ce que tu fais, Père. Merci pour le nettoyage que tu opères en eux. Merci pour tout ce que tu fais dans leur vie. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu as entrepris ce soir encore. Merci Père de gloire pour ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous entendez cette voix, toute puissance des ténèbres, qui vous influencez, influencez vos destinées. Vous entendez cette voix. Je commande que vous lâchez les enfants du Seigneur. Lâche la vie de Charlotte maintenant. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était dans la vie, dans tes pensées, qui manipulaient les circonstances de ton corps, de ta vie, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, sors, sors de lâche-la, tu ne peux pas rester, lâche-la, lâche son corps, tu quittes son corps, tu ne dois plus y habiter, tu ne dois plus, lâche-la maintenant, sors, sors, tu as assez duré dans sa vie, tu l'as assez manipulé. Je commande que tu la quittes maintenant. Je te commande de quitter. Sors. Ça va continuer à t'échauffer. Je te commande de quitter. Sors d'elle. Allez, tu quittes son corps. Toi, puissance impure. Tu as assez manipulé sa vie. Tu l'as assez fait manipuler comme ça. Allez, je te commande ce soir. Sors. Tu ne peux plus rester. Tu ne peux plus rester. Sa présence dans cette maison t'empêche. Tu ne peux plus rester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle. Je te commande de sortir. Sors. Tu sors maintenant. Sors. Je te commande de sortir. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit impur, tu ne dois plus la manipuler. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu la quittes maintenant. De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête, je commande la destruction de tes œuvres. De la plante des pieds jusqu'à ta tête, je commande la destruction de tes œuvres. Oui, tu ne peux plus rester. Tout ce que tu avais planté en elle pour la contrôler, pour manipuler sa vie, au nom de Jésus, je commande que ça soit brisé, renversé maintenant. Renversé. Sors. Au nom de Jésus, tu quittes son corps. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Tu pars maintenant. Au nom de Jésus, tu pars maintenant. Allez, c'est parti. Au nom de Jésus-Christ. Lâche-la. Quitte son corps. Quitte son corps. Tu m'entends bien? Quitte son corps. Tu pars maintenant. Toi, esprit méchant, tu pars maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute bien cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu quittes maintenant. Allez. Terminé. Ta puissance est terminée. Anéantie pour toujours. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ te libère maintenant. Terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez plus manipulé sa vie. Elle ne vous appartient pas. votre mort décrétée n'aura pas de fonction dans sa vie. Vous n'allez plus toucher à aucune des choses qui lui appartient. Elle appartient à un autre royaume maintenant, à Jésus-Christ de Nazareth. Vous enlevez vos aiguillons sur elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous enlevez vos aiguillons. Vous enlevez vos aiguillons dans son dos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendez cette voix maintenant, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Ce n'est pas au hasard que vous êtes tombé ici. Écoutez bien cette voix. Toutes circonstances défavorables dans vos vies qui ne sont pas programmées par Dieu, c'est contrôlé par les esprits impurs. Et cette voix-ci parle pour les chasser de tes voies, de ta vie. Sors! Sors! Tout esprit qui manipule ta vie, manipule tes circonstances, manipule ta destinée, manipule ton cœur, te pousser à faire des mauvais choix, c'est un ennemi. Je te commande maintenant, quel que soit le nom, de lâcher prise maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends cette voix, tu vois cette lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends bien cette voix. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Toi, vieille main, tu ne dois plus manipuler sa vie. Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Elle n'est pas votre femme. Il dit, toi, sors d'elle. Toi, vieille main, tu m'entends très attentivement. Sors d'elle. Sors d'elle. Tu la rends vieille. Tu la rends vieille. Tu sors d'elle maintenant. Tu sors d'elle maintenant et elle brille. Parce que le Seigneur l'a créée brillante. Je te commande de la quitter. Il dit, je te commande de la quitter. Tu sors d'elle. Tu ne dois plus te présenter avec son image. Je te commande de la lâcher. Tu ne dois plus y habiter. C'est terminé. Oui, c'est terminé. Terminé. C'est terminé, mémé. C'est terminé. Tu quittes sa vie. Tu laisses cette jeune fille et tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Donc, son corps n'est pas ton tabernacle pour sucer son sang, pour manipuler, pour prendre son corps. Je te commande de quitter. Je te commande de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Allez! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez! Pas maintenant! Au nom de Jésus-Christ. Sors! Le Seigneur Jésus est venu libérer le captif. Quelles que soient les parties de ton corps, de ta vie, qui étaient en captivité, que ça soit libre maintenant au nom de Jésus. Que ça soit libre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, les chaînes, les liens par lesquels Lucifer avec ses acolytes tenait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux plus rester. Tu ne peux plus rester. Lâche cette femme maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son corps appartient au Seigneur Jésus. Elle vous a déjà dit qu'elle ne veut pas de vous dans sa vie. Quittez maintenant. Sors. Sors. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Sors, sors. Sors. Sors. Sors. Toi, esprit méchant. Sors, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Vous entendez cette voix. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, vous m'entendez. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, écoutez bien cette voix. Je commande que toute chaîne de captivité soit brisée. Toute alliance avec des ténèbres soit brisée. Au nom de Jésus, brisée. Toute alliance avec les ténèbres soit brisée maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas rester. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors, sors, sors, sors. Sors. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Tu as assez sucer son sang comme ça. Ça cesse aujourd'hui. Tu as assez sucer. Elle ne t'appartient pas. Vous quittez sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous quittez sa vie. Toute puissance des ténèbres, en quelque lieu que ce soit que vous entendez cette voix. Quelque lieu que ce soit que vous entendez cette voix. Toute puissance qui manipulait vos vies comme Jabez. Jabez, la Bible déclare que Jabez a invoqué Dieu et Dieu lui a exaucé sa prière. Aucune circonstance contraire à la volonté de Dieu dans ta vie ne doit fonctionner maintenant. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Je commande. Toute puissance de ténèbres qui manipulait vos vies, sous quelque direction que ce soit, maintenant ça doit cesser. Les circonstances doivent changer. Quelles que soient les puissances de ténèbres qui manipulaient vos vies pour tourner dans le sang en se moquant de vous, que ce soit l'esprit de pauvreté qui était venu pour tourner en rond, pour vous faire tourner en rond, afin que vous travaillez, vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de travailler. À compter d'aujourd'hui, ça cesse maintenant. Les circonstances changent maintenant. Les circonstances changent maintenant. Que ce soit l'esprit qui vous inflige les maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Libère ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi puissant des ténèbres, toi esprit impur, tu lâches la vie de Charlotte maintenant. Tu quittes sa vie maintenant. Tu la quittes maintenant. Tu la quittes maintenant. Tu la quittes maintenant. Vieille mère, et tu ne dois plus utiliser son image. Tu ne dois plus bloquer sa vie avec ton image non plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu la quittes maintenant. Tu la quittes maintenant. Il dit tu la quittes maintenant. Tu m'entends très bien et tu n'as pas le choix. Je te commande de la quitter maintenant. Tu ne dois plus utiliser son image. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de. Tu ne dois plus utiliser son image à compter d'aujourd'hui. Ça cesse maintenant. Tu ne dois plus utiliser son image. Je te commande de la lâcher. Tu perds toute alliance que tu as signée à dans sa vie. Quel que soit ce que tu as fait avec son sang et ses cheveux, au nom de Jésus de Nazareth, c'est anéanti aujourd'hui. Ta chaîne est brisée. Sors! Sors! Sors, tout. Sors. Sors, tu ne peux pas rester. Au nom de Jésus, c'est brisé. Sors, tout. Tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Tout est poison. Tout est poison. Nourriture nocturne, couche de nuit, quelque chose que tu lui as donné, quelque chose que tu as signé avec elle, l'ange, au nom de Jésus de Nazareth, c'est ainsi par le Seigneur, ça cesse aujourd'hui. Sors! Allez! Allez! Allez! Je dis, je commande que tu sortes. Sors! Tu ne cales pas dans son cou. Sors maintenant! Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, sors! Sors. Sors. Au nom du Seigneur Jésus. Sors. Sors. Sors. Sors. Tu n'utiliseras plus son image pour faire ta sorcellerie. Tu n'utiliseras plus son corps. Tu ne dois plus tabernacler dans son corps. Son corps, c'est le tabernacle du Saint-Esprit. Je te commande de lâcher tout. Doit être nettoyé. 1, 2, 3, c'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, c'est parti. Vite maintenant. Tu quittes son ventre. Tu quittes son ventre. Tu quittes son ventre. Sors. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père, tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Tu lâches cette femme maintenant. Elle doit servir le Seigneur dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle. Au nom de Jésus, elle arrête. Tu la lâches maintenant. Sors, sors, sors, sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors de sa poitrine. Sors de sa poitrine. Sors de sa poitrine. Merci, Père. Sors de sa poitrine. Sors de sa poitrine. Il te commande de sortir de sa poitrine. Il te commande de sortir de sa poitrine. Sors de sa poitrine. 1, 2, 3, c'est parti. C'est parti. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche sa poitrine. Au nom du Seigneur Jésus. Tu quittes, tu quittes. Sors. Sors. Vous allez lâcher les enfants du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Vous ne pouvez plus rester. Vous ne devez plus rester. Allez. Sors. Sors. Sors. Il dit, lâche sa poitrine. Lâche sa poitrine, tu ne dois pas rester. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche sa poitrine. Lâche sa poitrine. Lâche sa poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Nazareth, lâche ta poitrine. Au nom de Nazareth. Lâche ta poitrine, lâche ta poitrine. Au nom de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes sa poitrine. 1, 2, 3, vous sortez maintenant, vous tous. 1, 2, 3, partez tous maintenant. Tous, sans exception. Allez-y. Vous partez, c'est votre fin, c'est terminé. La récréation est terminée. Vous arrêtez vos exactions dans sa vie. Maintenant, c'est terminé. Vous partez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parti. Vous avez entendu l'instruction. Je te commande. Vous tous, partez maintenant. Vous la lâchez libre maintenant. Sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, c'est parti. Il dit, faut la lâcher. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans ta tête maintenant. Dans ta tête, je commande. Je commande. Je commande au nom de Jésus de Nazareth de la lâcher. Lâche-la maintenant. Lâche sa tête. Lâche sa tête. Lâche sa tête. Lâche sa tête. Lâche sa tête. Lâche sa tête. Lâche sa tête. Je commande de lâcher sa tête. Au nom de Jésus de Nazareth. Il te tient. Au nom de Jésus de Nazareth. Il te tient. Au nom de Jésus de Nazareth. Il te commande de la lâcher maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle maintenant. Quitte sa tête, quitte sa tête. Elle ne va plus porter votre fardeau. C'est terminé. Terminé. Terminé. Terminé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quitte sa tête. Quitte sa tête. Quitte sa tête. Quitte sa tête. Quitte sa tête. Quitte sa tête. Quitte sa tête. Quitte sa tête. Quitte sa tête. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est ta fin. Allez, vas-y maintenant. Au revoir. Tu ne retournes plus jamais. Tu ne retournes plus jamais dans sa vie. Bye bye, c'est parti. Vas-y maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous partez. Venez vous cacher dans la vie des enfants de Dieu. Je commande de quitter. Tu ne dois plus manipuler sa vie. Non, non, non. Même si elle t'a été donnée, tu ne dois plus manipuler sa vie. C'est sa fin aujourd'hui. Et c'est ta fin dans sa vie. Elle t'a été donnée, mais elle ne vous appartient plus. Elle appartient à Jésus maintenant. Elle ne doit pas vous servir. C'était dans l'ignorance. Je te commande de quitter. Tu ne dois pas sortir. Tu ne dois plus rester. Tu ne dois plus rester. Tu ne dois plus rester. Alors tu quittes sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta colonne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'invoque le nom de Jésus sur toi. Dans ta colonne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son nom fait des opérations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ta colonne, dans ton dos, je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ta colonne, dans ton dos, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies, quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances qu'elle contrôlait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous entendez cette voix. Vous entendez cette voix, oui, la CGG. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très attentivement. Vous entendez cette voix, quel qu'en soit l'endroit où vous pouvez. Sors! Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton corps soit restauré. Que ton corps soit restauré. Que ton corps soit restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur Gigi, si tu m'entends, si tu es en train d'entendre cette voix, écoute-moi très attentivement. Ne crains aucun mal, ne crains aucun esprit. Si tu es en train de m'entendre, le Seigneur veut que tu retournes beaucoup plus à la prière, que tu ne faiblisses plus dans la prière. Écoute très, très bien cela. M'adresse à la soeur Gigi. Au nom de Jésus, toi, sors, quitte son dos. Quitte son dos. Quitte son dos. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quitte son dos. Kitsondo. C'est parti. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous entendez cette voix. Vous êtes sous l'influence dans cet enseignement. Je commande que toute puissance des ténèbres qui régnait dans quelque lieu dans votre vie et dirigez vos vies dans les circonstances que Dieu n'a pas voulu. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour les commander de vous lâcher. Que toutes les grilles qui étaient construites tout autour de vous, toutes les chaînes qui vous tenaient en captivité soient brisées maintenant. Brisées maintenant. Brisées maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Sors d'elle. Sors. Sors. Sors. Allez, sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Maintenant, sois libre maintenant. Sois libre maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Sois libre maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Oui, sois libre maintenant au nom du Seigneur Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. La puissance de la résurrection qui octroie la liberté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre. Jésus règne, effectivement, Jésus règne. Sois libre au nom de Jésus. Il est venu libérer les captifs. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Toute chaîne est brisée. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom du Seigneur Jésus. Sois libre. Maintenant. Maintenant. De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Sois libre. Libre de toute chaîne. Libre de tout lien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne retournerez plus dans sa vie. Vous ne dirigerez plus sa vie. Tout esprit de ténèbres qui contrôle la vie des enfants du Seigneur, leurs circonstances, aujourd'hui ça cesse. Vous entendez bien cette voix? C'est terminé. Terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce corps appartient au Seigneur Jésus. Ce corps appartient au Seigneur Jésus. Alors vous quittez maintenant. Sois libre au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu les libères maintenant. Sois libre. Sois libre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Cette chaîne est quittée de tes pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Effectivement. C'est quitté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tends les pieds, tends les pieds, tends les pieds, tends les pieds. Tends les pieds. La chaîne est quittée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tu avais enchaîné ses pieds pourquoi? Au nom de Jésus Nazareth. Ta chaîne est brisée maintenant. Tu es libre maintenant. Tes pieds sont libérés. La chaîne tombe maintenant. La chaîne tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, soyez patients. Il faut que notre sœur soit libre totalement. D'accord? Il faut que cette chaîne-là quitte. Toutes ces chaînes se quittent. Avec ça, on ne peut pas avancer avec le Seigneur. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre maintenant. Que tes pieds soient libres. Que tes pieds soient libres. Libre maintenant. Toute chaîne par lesquelles l'ennemi te tenait. Dans tes pieds. Au nom de Jésus. Libre. Libre. Libre maintenant. Libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, mesdames, ma soeur. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Voilà. Voilà. Lève-toi, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu entends bien cette voix. Tu es libre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre, ma soeur. Tu es libre. Voilà. Tu es libre, ma soeur. Seigneur est vivant. Kusukele busheni bam. Kusukele busheni bam. Mina benzo e pila lempilo. Baba, baba, baba, baba, kikole. Baba, baba, baba, baba, kikole. Satuche safa, satuche safa, safa. Sahlala mambuka, sahlala usathane ngene endlini. Yaxabanisa abantu bezalana. Sacishe safa, sacishe safa, safa. Sahlala mambuka, sahlala usathane ngene endlini. Yaxabanisa abantu bezalana. Baba, gixolele. Ke mina, baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Gixolele, baba. Baba, gixolele. Konile bo. Baba, gixolele. Hey, mina, ngonile bo. Baba, gixolele. Oh, ngonile bo. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. Baba, gixolele. When you will reach Jesus. When you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get, when you get Luches, when you get, when you get, when you get la mam, when you get, when you get, when you get lenta, when you get, abantanda yo bamba, when you get, when you get, abafundi bakhe, when you get, when you get. When you will, when you get, when you get, what's up, some when you get, when you get, what's up, some when you get, when you get, when you will, mom, when you get, when you get, when you will, bab, when you get, when you get, when you will, bab, when you get, when you get, when you will, mom, when you get, when you get, what's up, some when you get, when you get, what's up, some when you get.